quartier, c'est la rêve. La moitié du check-up est au rêve. Tu connais notre adresse. La chose qu'elle a peur, c'est moi qui t'empêche. Ma voix grise dans ta tête. On se sent fort dans la caisse. L'amour en tête. On préfère l'espèce. On est tous les mêmes. Vous et nous, c'est pas pareil. À chaque domaine, le résultat est le même. On n'est pas la haine, on protège sans la peine. On est tous les mêmes, vous et nous c'est pas pareil. J'avais pas que le rap mettait un plus à la beauté. J'reste dans boîte et pop dans tout qui nous sonnait. Qui nous voit mais vous semblant nous ignorer. T'inquiète pas qu'un jour les rôles vont s'inverser. Rêve de millions cachés t'allais sur parquet. Que 2 millions de vues ces jambes sont écartées. Papa trop plein avant hôtel t'es écouté. Personne m'a pris son écart mais tremblant. La moitié du décor est au reste. Tu connais notre adresse. La chose qu'elle a perdu moi qui t'empêche. Ma voix grise dans ta tête. Mon Dieu. Sont forts dans la caisse. L'amour en bête. On préfère l'espèce. On est tous les mêmes. Vous et nous c'est pas pareil. À chaque domaine, le résultat est le même. On n'est pas la haine. On protège que sans la peine. On est tous les mêmes. Vous et nous c'est pas pareil. Poto, je suis dans le bendo. Simpio a de la bonne qui fait dodo. Vol violence aggravée. Si je dans ton sac, tu canons à 100 euros. Pas de blaireau dans l'équipe. Tu veux mon numéro ou une piste. On tarot ou tu pifes. Si je vois que ça fout rien, ben je mets la fille. Au quartier, c'est la reste. La moitié du check-up et au reps. Tu connais notre adresse. La chose qu'elle a perdu, moi qui t'empêche. Ma voix grise dans ta tête. Mon Dieu, sont forts dans la caisse. L'amour en tête. On préfère l'espèce. On est tous les mêmes, vous et nous c'est pas pareil. À chaque domaine, le résultat est le même. On n'est pas la haine, on protège que sans la peine. On est tous les mêmes, vous et nous c'est pas pareil. Dans la Loire, il y a beaucoup d'ennemis. J'avance trop bien, je fais bouger mes ennemis. À ce qui bon vit, mais on survit. Le mal balzac, on casse la famille. Tous les jours, au quartier, c'est la reste. Ouais, tu connais notre adresse. Montre le sang fort dans la caisse. C'est ta faute. Au quartier, c'est la reste. La moitié du checker est au reps. Tu connais notre adresse. La chose qu'elle a fait, dis-moi qui t'empêche. Ma voix grise dans ta tête. Montre le sang fort dans la caisse. L'amour en paix. On préfère l'espèce. On est tous les mêmes. Vous et nous c'est pas pareil. À chaque domaine, le résultat est le même. On n'est pas la haine. On protège que sans la peine. On est tous les mêmes. Vous et nous c'est pas pareil. Au quartier c'est la reste. Amen.